voyage, cerveau sous résine. Cigare Havana, on se voit dans les îles. On voyage, cerveau sous résine. Puerto Rico, wesh le quartier. Une, deux, trois, moula. Hela, hela, hela. Envoie les chalices à Benga. Hela, hela, hela.